on the trudge. J'ai pas fait le choix. Entre la zip et la zik, tu sais qu'on est réel dans les talles. On rend pas les trousses à la fin du clip. J'ai jamais payé pour un clip, j'préfère les garder pour une commande de shit. Y'a mes ennemis qui attendent ma chute, mais juste pour ma répute, j'suis prêt à les shoot. Il me faut le bras long comme Shook sur un contrat avec Tupac. C'est pas pour m'amuser quand j'parle d'abord, j'suis vers Dubaï. Depuis mineur, j'suis dans les bails. Abonné à l'argent haram, on vend au kilogramme, c'est toujours la caille qui gagne. RR Koulinan, c'est côté Bogota par Rouyakan. J'ai la peuf qui fait mal au crâne, on fait pas de pause, y'a zéro panne. Ouais, R6 vers Amsterdam, dans le coffee shop sous Marie-Jeanne. Benji sur la bécane, et derrière moi y'a des gras. Depuis mineur, j'ai fait la chute, moi j'ai jamais mis tôt. C'est pas pour aller travailler quand je me suis levé tôt. J'ai trop dormi en comico. J'ai trop dormi en comico. L'époque du terrain c'est fini depuis qu'on parle en gros. J'ai vu c'était quoi le bénéfice depuis qu'on prend des plots. J'ai trop dormi en comico. J'ai trop dormi en comico. J'ai fait ma place et j'ai l'écho comme un chien de la casse. J'ai traîné comme enfant de la tasse. J'suis le buteur et la passe. Dans la rue j'ai suivi les traces. Des vrais bandits pas se détassent. YZ ça part en chasse. La rue ou la prison c'est pile ou face. J'arrive en mauvais carré d'as. On sourit pas devant la glace. J'ai des potos qui sont des fous. J'ai des potos qui sont en place. J'suis pas pressé, j'suis dans les temps. Souvent dans les bons plans. J'attends la maison 10 pour savoir les chiffres du montant. RR Koulinan, c'est côté Bogota par Rouyakan. J'ai la peuf qui fait mal au crâne. On fait pas de pause, y'a zéro panne. Ouais, R6 vers Amsterdam, dans le coffee shop sous Marie-Jeanne. Benji sur la bécane, et derrière moi y'a des gras. Depuis mineur j'ai fait la chute, moi j'ai jamais mis tôt. C'est pas pour aller travailler quand je me suis levé tôt. J'ai trop dormi en comico. J'ai trop dormi en comico. L'époque du terrain c'est fini depuis qu'on parle en gros. J'ai vu c'était quoi le bénéfice depuis qu'on prend des plots. J'ai trop dormi en comico. J'ai trop dormi en comico. J'ai trop dormi en comico.